Radiomatic. God help us. c'est le projet InnoFaith qui lançait la transmission 390 d'Audiomatic grâce à la pièce Reticent, exclusive à la compilation Frequencies of the Mind Volume 2, produite par l'étiquette de disque Mind Trick Records. C'est la musique du pianiste et compositeur arménien Tigran Amasyan qui assure maintenant la continuité à Audiomatic. Audiomatique, nous entendions le pianiste de jazz américain Aaron Parks de son album Little Big Two Dreams of a Mechanical Man, sorti en 2020 et qui a été co-réalisé par Chris Taylor, le bassiste de Grizzly Bear. Nous vous avons présenté la pièce Where Now, qui a d'ailleurs été composée par Chris Taylor et les trois musiciens qui accompagnent Aaron Parks sur cet album. Précédemment à Aaron Parks et ce qui amorçait par le fait même cette séquence musicale, c'était le pianiste arménien Tigran Amasyan qui nous interprétait la pièce Ara Resurrected, qui est parue sur son album The Call Within, également lancé en 2020. Allons-y maintenant avec une pièce du plus récent album du projet Burial.

Audiomatic, cette séquence musicale se terminait sur une composition du trompettiste Ambrose Akinmusire, composition intitulée Reset, Quiet Victories and Celebrated Defeats, qui se retrouve sur son plus récent album On the Tender Spot of Every Calloused Moment, paru en 2020. Et avant Ambrose Akinmusire, nous écoutions le projet Burial qui nous offrait Shadow Paradise, une pièce se retrouvant sur son plus récent album intitulé Anti-Dawn, paru il y a quelques semaines. À Audiomatic, c'est au tour de l'ensemble vocal américain Roomful of Teeth de se faire entendre. Hey, who? Hey, hey, who? Hey, hey, who? Dead and gone. When the time comes, I'll be dead and gone. Dead and gone. Dead and gone. When the time comes, I will be no more. When the time comes, I will be no more. When the time comes, I will be. When the time comes, I will be no more. No more. No Nous vous avons offert à Audiomatic la musique du projet anglais Dark Her, de son deuxième album The Buried Storm, paru le 15 avril dernier. Nous avons entendu la chanson Immortals. Avant, c'était l'ensemble vocal américain Room Full of Teeth et la pièce Ansa Ya, qui a été composée par Meryl Garbus, qui incarne le projet Tuneyard. Cette pièce se retrouve sur le premier album de Room Full of Teeth, qui est homonyme et qui est paru en 2012. C'est sur la musique de la formation allemande Feinflug que se terminera cette transmission 390 d'Audiomatic. Nous allons entendre la pièce intitulée B66883 tirée du Sterbehilf EP, paru en 2000. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomaticcfou et mixcloud.com/audiomatic si jamais vous êtes intéressé à entendre ou réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc pour terminer Feinflug et la pièce B66883. C'était Audiomatic avec les sonoristes.